Chapitre 2. Idées reçues. 14. Introduction. Lue par Thomas Andrew. Pour apprécier la valeur de la protection de la propriété intellectuelle, on pourrait la comparer à la fiscalité. Pratiquement personne n'affirme que plus il y a d'impôts, ou moins il y a d'impôts, mieux cela vaut. Toutefois, certains ont tendance à considérer que l'extension de la protection de la propriété intellectuelle est une bonne chose qui va de soi, écrivent les auteurs d'un rapport gouvernemental britannique. Depuis plus de 200 ans, on s'invective pour savoir si le droit d'auteur est un droit naturel ou non, s'il faut protéger les inventions 2 ans, 5 ans ou à perpétuité. Et aujourd'hui, c'en serait terminé? En la matière, le discours dominant postule désormais que le brevet et le droit d'auteur seraient bénéfiques et sans défaut. Absurde. Penser ainsi, c'est croire qu'une protection toujours plus large de l'immatériel, de la culture, des idées, soit la seule voie pour favoriser la créativité et l'innovation. Ainsi, toute critique de la propriété intellectuelle deviendrait alors ou communiste, ou libéral, libertaire, ou anarchiste. Ces sophismes qui empoisonnent le débat depuis des années reposent sur le mensonge, l'abus, l'approximation. Il conviendrait de décrypter ces discours en les distinguant secteur par secteur, type de protection par type de protection.